3 degrés aujourd'hui, ce qui est pas mal pour la saison. La tendance, temps sec ce matin, avec par endroits déjà du soleil. À d'autres, c'est encore très nuageux, donc c'est un petit peu morcelé. Dans le courant de l'après-midi, on s'attend à des nuages plus menaçants sur l'ouest, avec des averses, et même pour ce soir et en première partie de nuit, de la pluie. Pour le week-end, eh bien, on aura quelques averses demain sur l'ouest du pays. Dimanche, ce sera un petit peu plus sur l'est et le sud, mais toujours entrecoupé de larges périodes de temps sec, moyenne des températures 17 à 22 degrés. C'est vous qui le dites dans 8 minutes, dans l'immédiat, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les travailleurs de Caterpillar défilent dans les rues de Charleroi dans une heure. Une première manifestation deux semaines après l'annonce de la fermeture de l'usine. Le personnel de Caterpillar ne sera pas seul ce matin. Il pourra compter sur le soutien des sous-traitants, des collègues venus de Grenoble et d'ouvriers d'autres secteurs venus d'un peu partout dans le pays. Une délégation de la CSC de Bruxelles sera de la partie. Tous les travailleurs qui sont ici dans les environs sont soit touchés parce qu'ils ont la famille là-bas, soit parce qu'ils sont des travailleurs ici qui travaillent pour les sous-traitants, mais surtout pour montrer notre solidarité avec les familles qui sont touchées là-bas. Parce que c'est pas uniquement Caterpillar, c'est aussi tout ce qui est sous-traitant, fournisseur, avec des conséquences quand même lourdes pour l'ensemble des travailleurs de la région de Charleroi, mais aussi pour quand même donner un signal très clair qu'il y a un problème. Il y a un problème en Belgique, c'est que quand on voit des entreprises multinationales, la législation belge permet trop vite de pouvoir fermer une entreprise. Chris Van Mol, le secrétaire fédéral de la CSC pour Bruxelles, Alville-Vorde, en partance pour Charleroi. Il était avec Jérôme Durand. Le cortège partira dans 1h30 de la gare de Charleroi. On attend entre 5 et 10 000 manifestants. Et conséquence de cette manifestation, eh bien, le trafic des bus tech est perturbé dans la région Carolo. La moitié des bus seulement sont sortis des dépôts de Jumet et Janson ce matin. Le MR répond aux critiques après la décision d'accorder plus de numéros INAMI aux étudiants flamands. Oui, le gouvernement a décidé de ne pas toucher à la clé de répartition de ces numéros. 60% iront aux flamands, 40% iront aux francophones. Accusé par l'opposition d'avoir cédé aux diktats du CDNV et de la NVA, le MR assure que cela ne nuira pas aux intérêts des francophones. Didier Renders, le vice-premier ministre, reconnaissait ce matin que la négociation avait été très difficile. Mais nous sommes partis de la clé proposée par Maggy Debloc, 56-44. Oui. Puis il faut faire un rattrapage. Alors le rattrapage, on peut rattrapage faire... Rattrapage parce qu'on l'a donné, côté francophone, trop de numéros INAMI pendant des années, parce que pendant des années, il n'y a pas eu d'examen d'entrée, il n'y a pas eu de filtre du côté francophone. La Fédération Wallonie-Bruxelles est toujours obstinée à ne rien faire en la matière. Et il y a donc eu un surplus de numéros INAMI. Alors le rattrapage, on peut le faire sur une période plus ou moins longue. Mm-hmm. C'est vrai qu'ici, on a démarré le rattrapage assez rapidement, ce qui nous amène à cette clé 60-40. Mais il est évident que si on avait garder la même clé que par le passé, le rattrapage se serait ajouté, et le décalage aurait encore été plus fort. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Ce qui est sur la table, c'est une proposition. On va l'envoyer au Conseil d'État, on va suivre la procédure à une condition, c'est que maintenant, la Fédération Wallonie-Bruxelles organise l'examen d'entrée. Si ça n'est pas le cas, on aura de nouveau une difficulté dans le dossier. Et Maggy Debloc s'est engagée, ça c'est une bonne chose, à donner des numéros à tous les étudiants qui sont maintenant en dernière année. Ça se fera d'ailleurs pour tout le parcours, une fois que l'accord aura été bouclé. Ouais. Didier Reynders, vice-premier ministre et maire au sein du gouvernement fédéral avec Bertrand Haine. Précisons que dès 2022, 40 numéros INAMI supplémentaires seront délivrés en plus chaque année. C'est parti pour la semaine de la mobilité en Wallonie et à Bruxelles. Le slogan cette année, partagez la route, on s'y met tous. À l'occasion de cette semaine, l'Institut belge pour la sécurité routière vous a questionné pour savoir ce qui vous agace sur les routes. Lionel Denubourg commence par les cyclistes. Qu'est-ce qui les irrite le plus? Les portières, ou plutôt les automobilistes qui les ouvrent à tort et à travers sans regarder. Égare alors à la cabriole. Autre chose qui fait bondir les cyclistes, ceux qui se garent sur les pistes cyclables. Et les piétons, eux, ils sont en rogne contre qui et contre quoi? Quand on ne les laisse pas passer sur un passage piéton, là, c'est la grosse colère. Et en deuxième position, c'est le GSM au volant. Définitivement, ça ne passe pas pour les piétons. Les automobilistes aussi sont parfois irrités. Hein. Oui, par les piétons, justement, qui déboulent parfois au dernier moment et qui traversent sans regarder. Petite particularité locale aussi mise en avant par l'IBSR, les automobilistes wallons, plus que les flamands et les bruxellois, ils sont exaspérés quand un piéton marche sur la rue alors qu'il y a un trottoir. Merci Lionel. Et le point d'orgue de cette semaine de la mobilité en Wallonie à Bruxelles, ce sera dimanche avec la journée sans voiture dans la capitale. Quelle Europe après le Brexit? Quel projet pour relancer l'Union européenne? Deux questions au cœur du sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui à Bratislava en Slovaquie. Une réunion informelle à 27 sans le Royaume-Uni donc. She's back, Hillary Clinton a repris sa campagne électorale. Elle est apparue toute pimpante et en bonne forme lors d'un meeting en Caroline du Nord cette nuit. Cette épreuve, sa pneumonie, donc, m'a rapproché des Américains, a-t-elle déclaré. Je n'ai rien à me mettre. Voilà peut-être ce que vous dites chaque matin devant votre garde-robe. Et quand on est en fauteuil roulant, eh bien la phrase prend tout son sens. Alors pour briser les tabous sur le look des personnes handicapées, un défilé de mode un peu particulier est organisé ce soir à Mons sur le podium des personnes handicapées, relookées par un styliste. Charlotte Legrand a suivi les préparatifs. Est-ce que les pressions comme elles sont mises là te conviennent? Elles me conviennent. Il n'y aura pas de problème, tu ne veux pas que je rétrécisse à un certain endroit. Christiane a choisi un ensemble tunique pantalon dans des couleurs qu'elle aime et surtout adapté à son handicap. Un exemple, des pantalons. Comme nous, on est assis dans des chaises roulantes, le dos, le pantalon est toujours trop bas. Tandis qu'ici, ça a été fait adapté, la taille est plus haute. Ce sont des petites choses. Pour la styliste Sarah Coleman, le défi est double. Concevoir des vêtements à la fois beaux et pratiques. Il y a un homme du groupe qui m'a dit, et ça m'a beaucoup touchée, qu'il n'avait jamais pu porter un smoking pour une cérémonie, pour se sentir chic et habillé, élégant. Ça lui posait énormément de problèmes, de confiance aussi certainement, et surtout par rapport au regard des autres. Christiane tente de s'y préparer justement au regard des autres. Dans quelques heures, elle défilera sur scène. C'est vrai que c'est aussi stressant. Moi, par exemple, je n'aime pas le miroir. Une femme qui est bien habillée, elle va aller en ville, elle va se regarder dans la vitrine. Moi, j'évite tout ça. Et je voudrais que ça change, Un témoignage recueilli par Charlotte Legrand. Et puis le sport, Sébastien, tennis, la Belgique qui affronte le Brésil tout le week-end en Coupe Davis. Un finaliste l'an dernier, notre pays par favori. À 14h, David Goffin affronte Thiago Monteiro, 101e joueur mondial. Le Liégeois qui se montre confiant, il a bien récupéré après son élimination dès le premier tour à l'US Open. Je me suis reposé après le tournoi à New York, puis je me suis entraîné calmement, puis j'ai repris vraiment l'intensité ici la semaine avec l'équipe et c'était vraiment très bien. Le niveau est là en tout cas, il faudra juste maintenant le reproduire en match et puis voilà, au fur et à mesure des matchs, la forme revient. Puis la motivation, elle est toujours là en Coupe Davis. Elle est toujours là et ça fait toujours du bien, que ce soit quand on est en confiance ou un peu moins, quand on retrouve toute l'équipe, quand on retrouve les amis, quand on retrouve l'ambiance de Coupe Davis. Chaque fois, on est requinqué après une semaine comme ça. David Goffin avec Christine Anquet. Le second simple opposera Steve Darcy au numéro 1 brésilien Thomas Bellucci. Du tennis aussi aux Paralympiques de Rio avec Joachim Gérard qui joue la petite finale cette après-midi, il tentera de décrocher la médaille de bronze. Le Belge rencontre le Français Oudet et donc peut-être une sixième médaille belge à la clé. Enfin, en football, ouverture de la septième journée de Pro League ce soir. Charleroi reçoit Malines. Hier, en Europa League, Anderlecht a gagné et il est le seul club belge à avoir gagné. Le Standard, lui, n'a pas fait mieux qu'un partage 1-1 face au Celta Vigo. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedbeuf, et c'est plutôt calme ce matin sur les routes. Oui, effectivement, même s'il y a quelques ralentissements dans le chantier de Cherat sur l'E40 qui relie Aix-la-Chapelle à Bruxelles, et c'est surtout vers l'Allemagne, vers Aix-la-Chapelle que vous ralentissez à partir de Votem. Et puis, manifestation à Charleroi organisée par les ouvriers de Caterpillar, elle est prévue aujourd'hui. Les chauffeurs du réseau Tech Charleroi vont se joindre à eux, ce qui provoquera d'importantes perturbations sur le réseau selon la porte-parole du Tech Charleroi. Le départ est prévu à 10h30 et le rassemblement se fera à 10h et le cortège donc partira de la gare de l'Esplanade Sud vers l'hôtel des Chemins de Fer, puis remontera la rue Place du Manège. Sachez que sur l'A54, la bretelle de sortie est fermée en direction de Charleroi. Pour rejoindre Bruxelles, ça se passe très bien. Léger ralentissement sur le 411 qui vient de Namur à partir de Jésus-Zeik pour rejoindre le Carrefour Léonard. Très léger ralentissement également sur le 19 qui vient d'Anvers où vous ralentissez à partir de Petit. Et puis sur le ring, c'est petit aussi au niveau du temps de parcours puisque c'est moins de 10 minutes à ajouter en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur la Une et sur Uva. Dernier débat de la semaine avec Benjamin Maréchal. C'est vous qui le dites. Et avant les fêtes de Wallonie, venez commenter la Belgique. Merci Sébastien. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, hier, l'avocat de Bernard Westphal a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre d'articles en conversation téléphonique dévoilés. Est-ce que vous pensez que le jury est neutre? Depuis hier, donc, on connaît le jury qui devra dire si oui ou non Bernard Westphal a tué sa femme, Véronique Piroton. Cinq femmes, sept hommes. Ces gens sont-ils vierges? En arrivant au tribunal, l'ex-député Wallon a eu ces mots. Comment voulez-vous être serein après une telle boucherie médiatique? La boucherie médiatique, ce sont les révélations. Fait rare, au tribunal, l'avocat général était d'accord avec la défense. Jean-Philippe Mayence, l'avocat de Westphal, a regardé le jury et a dit « Il est crucial que ce procès se fasse ici et nulle part ailleurs. Je vous conjure d'oublier tout ce que vous avez pu entendre précédemment. C'est la première fois de ma carrière que j'estime devoir faire cette mise en garde à un jury à peine constitué. » La veille, TVI avait diffusé un extrait de conversation téléphonique qu'ont eu la veille des faits Véronique Piroton et son amant. La question pour vous, hier l'avocat de Bernard Westphal a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre. Est-ce que vous pensez que le jury est neutre? Hier, en plein Parlement, un député VLD aurait dit à l'ASP à Myriam Kittir « Si t'es pas contente, retourne au Maroc. » Il nie et a des témoins. Elle affirme que c'est vrai et a des témoins. Comment on fait pour savoir la vérité? Myriam Kittir, ex-ouvrière de Ford Genk, vient donc de critiquer la gestion du gouvernement dans le dossier Caterpillar. Hier à la Chambre, elle revient à sa place et c'est là que Luc Van Biesen lui lance « Si tu n'es pas contente, retourne au Maroc ». Elle est sous le choc, ne dit rien. C'est un autre député, Christophe Calvo de Groen, qui va dévoiler l'affaire à la tribune. « Als ik daar net een parlement zit van uw meerderheid, collega Kittir hoort toesnauwen dat ze terug moet trekken naar Marokko. » Et il le répète deux fois, je souhaite vous demander une action, sauf que le président de la Chambre, Siegfried Brack, n'est sûr de rien. Il fait réécouter la bande audio de la séance, mais ne trouve rien qui peut mener à une condamnation. Il ajoute également que ce genre de propos n'est pas du tout le style de Luc Van Biesen. Alors la question pour vous ce matin, hier en plein Parlement, un député VLD aurait dit à l'ASP à Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc. Il nie à des témoins, elle affirme que c'est vrai à des témoins. Comment on fait pour savoir la vérité? Et puis au 070-233-466, en 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job après Caterpillar, MS Mode, Douegbert, des licenciements, des fermetures. En 15 jours, 4000 jobs, mais qu'est-ce qui se passe? Ne pesons pas les mots, ce début d'année est catastrophique. Après Caterpillar Gosselies, hier, on a appris que Douegbert à Grimbergen allait fermer son usine. 300 emplois condamnés. On a également appris hier que MS Mode allait se déclarer en faillite, ça concerne 200 personnes. On a appris que la multinationale pétrolière Halliburton à Drogenbos allait également fermer son site et licencier 50 personnes. À cela, il faut ajouter AXA, PNV, CP Bourg à Otigny et tous les autres, sans compter les sous-traitants, délocalisation, législation trop faible, cynisme des actionnaires, c'est la question pour vous. En 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job. Après Caterpillar, MS Mode ou Egbert, en 15 jours, 4000 jobs. Mais qu'est-ce qui se passe? Zoé Boss, standard ouvert. Et aujourd'hui, comme tous les jours, Marion Jomotte décroche vos appels au 070-233-466 et livre vos SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites, un procès trop médiatisé, des députés qui dérapent et des emplois supprimés. Le débat, c'est vous qui le faites. Avec nous aujourd'hui, Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, et Emmanuel Abramovitch, journaliste pour la web revue Résistance. Commence le débat avec vous, Benjamin. Manuel et Nawal, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat donc sur la table, l'avocat de Bernard Westphal qui a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre à propos de l'affaire. D'abord votre positionnement et puis on discute. Est-ce que ce jury, Nawal, pour vous est neutre? Mais un jury n'est jamais neutre de par sa composition d'hommes et de femmes. Donc tout ça, simplement. Ça veut dire non, c'est votre position. Manuel, est-ce que ce jury est neutre? On n'est jamais neutre, donc un jury n'est pas neutre. mais on peut mettre des mécanismes en place pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Alors, il y a eu un élément, c'est la veille de la constitution du jury, mercredi soir, TVI qui diffuse dans son journal un extrait de conversation téléphonique entre Véronique Piroton et son amant, et elle y dit ô combien Bernard Westphal a été violent, l'a insulté, l'a bousculé. Est-ce que cette diffusion-là, la veille du procès, ça peut avoir une influence majeure, Nawal ? Mais de toute façon, cette diffusion-là sera faite au procès, donc je ne vois pas en quoi ça peut avoir une influence quelconque. La veille, et on compose un jury justement quelques jours avant, alors il faudrait carrément composer un jury le lendemain du drame. Comment voulez-vous qu'un jury ne regarde pas la télé pendant 3 ans, ne lise pas la presse ? C'est impossible. Sauf que dans le procès, le jury va découvrir pièce par pièce, Manuel, ce qui va se passer. C'est une construction. Pièce par pièce, ils vont y venir. Mais là, avant même que ça ne démarre, on leur a donné un élément majeur. Une conversation téléphonique où on dit « mon mari est un homme violent ». C'est pas de nature à les influencer ? Mais bien sûr, mais je suppose qu'ils sont quand même un minimum briefés hein, dans leur rôle de juré, qu'effectivement, on leur demande d'essayer d'être neutre, donc d'essayer d'être le plus neutre possible pour parler plus clairement. Et donc voilà, donc ils vont devoir mettre de côté... Bon, maintenant, juré, c'est des gens, c'est vous et moi, hein, c'est des gens de la population, du peuple, toutes catégories confondues. Et donc, voilà, c'est un métier, en quelque sorte, hein, la neutralité. Donc, voilà, donc ça va être dur, mais je pense qu'ils vont être quand même, à mon avis, coachés. Et puis, dans un procès, il ne faut jamais oublier, il y a quand même ce qu'on peut appeler, j'espère, de la pédagogie de la part des avocats qui vont pouvoir quand même remettre les points sur les i, expliquer les choses... pour défendre leurs clients. Mais donc, il y aura quand même de la pédagogie et donc, ce ne sera pas une information brute qui arrive comme ça dans les oreilles des jurés. Il y a eu beaucoup de reconstitutions dans la presse, beaucoup d'articles sur ce qui s'est passé dans cette fameuse chambre de l'hôtel Mondo. Est-ce qu'il est possible qu'une partie de la population n'ait pas lu, n'ait pas vu ? Est-ce qu'il est possible, Nawal, qu'une partie de ce jury n'ait pas, en fait, été exposée aux nombreux articles de presse ? C'est tout à fait possible, mais de toute façon, ce n'est pas pour moi un élément à discussion. À partir du moment où on est un homme, on est une femme, qu'on compose un jury, on peut avoir dans sa famille des gens qui ont été victimes de violences conjugales, on peut avoir des faits similaires. Est-ce que lorsqu'on compose un jury, est-ce qu'on vérifie tous les antécédents de chaque juré ? Non. Donc, mais Jean-Philippe Maillan, ça dit, c'est la première fois de ma carrière que je dois faire une mise oui, en garde mais comme celle-là. Maître Maillan, je pense, n'a pas beaucoup d'éléments dans son dossier en faveur de son client. Parce que pour jouer sur la médiatisation à un tel point, alors qu'il le sait très bien, tous les procès d'assises, de la sorte en tout cas, sont médiatisées. Ce n'est pas la première fois. Donc je ne vois pas pourquoi Maître Mayence vient ici tenter de déstabiliser en disant que les gens ne seraient pas neutres. Il a aussi fait des sorties médiatiques dans ce dossier, ne l'oublions pas. Donc à ce moment-là, il peut se retourner contre lui-même. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Philippe Mayence ? Parce que quand on nous le vend hier, on nous dit que c'est une première, un précédent. Je n'ai jamais vu ça. Même l'accusation, Manuel, dans le tribunal, est d'accord avec la défense sur ce point-là. On en a trop dit. Ils étaient tous d'accord hier au tribunal. C'est pas un moment, un précédent. Oh, mais il compare avec quoi ? Je dis, il compare avec monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent au tribunal, ça arrive, hein, pour avoir assassiné leur femme ou leur mari et eu quelques procès. Personne ne les connaît. Donc c'est clair et certain, et ça, c'est la faute à personne. Monsieur Westphal est parlementaire et quelqu'un qui est assez médiatisé avant le drame. C'est évident, mais c'est la recette du succès et la contre-recette du succès. C'est qu'effectivement, quand on est médiatisé, bah, dans la vie de tous les jours, si on est victime d'un drame ou si on est auteur de faits pour pouvoir se retrouver devant le tribunal, ben on en parlera plus. Donc voilà, on ne peut pas comparer ce procès avec d'autres procès. On demande un avis à Liège. Monique est en ligne, bonjour. Bonjour. Hier, l'avocat de Bernard Westphal a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre à propos de l'affaire. Est-ce qu'à votre avis, ce jury est neutre ? Mais je ne pense pas. Je crois que l'émission ne devait absolument pas être diffusée avant le procès. Que les jurés le voient pendant ou les téléspectateurs après, d'accord, mais pas avant. Vous avez vu cette émission dans laquelle on diffuse l'enregistrement téléphonique, vous avez vu ? Oui. Et oui. C'était de nature à influencer ou c'était les éléments à charge et à décharge ? Ah non, j'ai trouvé que c'était vraiment trop à charge, uniquement à charge, et donc je ne suis pas d'accord avec cette manière d'agir. Qu'est-ce qu'il y avait, Monique, dans cette conversation téléphonique, dans cet enregistrement, pour ceux qui ne l'ont pas vu ? On montre évidemment une certaine manière d'agir du parlementaire, d'une brutalité.

qu'il ne l'a pas dit, il dit qu'il ne l'a pas dit, mais il s'excuse. Il s'excuse de quoi ? Attendez, le président de la Chambre, Siegfried Braque, n'est sûr de rien. Donc il fait réécouter la bande audio de la séance et il n'entend rien. Donc il dit, je ne peux pas sanctionner, il n'y a rien. Alors, c'est dit dans les travers de l'Assemblée, mais il faut savoir que ça fait quand même du bruit. Hein. C'est une classe un peu bruyante, si on peut faire une métaphore. Ce n'est pas des gens qui sont silencieux. Elle revient de la place centrale où elle a tenu son où elle a fait son intervention, et en revenant, donc en marchant, il y a du bruit. Donc elle l'entend. Je veux dire, c'est une grave accusation. Accuser quelqu'un de propos racistes qui peuvent éventuellement se retrouver devant le tribunal, c'est quand même traiter quelqu'un de délinquant. Donc je veux dire, on ne tient pas de propos comme ça. Il a dit quelque chose. Alors, soit de possibilité, elle a mal compris, mal entendu, parce qu'il y a du bruit, et dans les problèmes d'émetteurs et de récepteurs, s'il y a du bruit, le message arrive évidemment de manière déformée. Mais il y a quelque chose qui a été dit. Il y a un autre député d'un autre parti, dans quel intérêt il le fait. Dénoncer le racisme ne rapporte rien sur le plan électoral, plutôt plus que le contraire. Donc, je dis, il y a quelque chose qui a été dit. Est-ce qu'il y a confusion possible ? Parce que ce Luc Van Biesen du VLD dit, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les ouvriers de Caterpillar, s'ils étaient à ce point performants, qu'ils retrouveraient du travail partout dans le monde, y compris au Maroc. C'est ça que j'ai voulu dire. Ça tient, ça, Nawal, ou pas ? Mais ça prête vraiment un sourire, parce que je ne vois pas ce que le Maroc vient faire dans cette affaire de Caterpillar. Donc, à un moment, il dit, voilà, il est confus. Oui, mais non, je parlais du Maroc dans ce dossier-ci. À la limite, il parlait des sans-papiers, ou d'un sujet du terrorisme ou que sais-je, on aurait pu dire qu'effectivement il y avait confusion. Là, on parle de Caterpillar, je ne vois pas ce que le Maroc vient faire là-dedans. Le fait que, justement, comme le dit Manuel, après il dit oui mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, pour moi ça prouve qu'il ment et qu'il a bel et bien tenu ses propos. Alors dans ce dossier, le président de la Chambre, Siegfried Braque, il est de mauvaise foi quand il dit moi j'ai rien entendu, mais non, donc je peux rien faire, et il a rajouté, c'est pas le genre d'opinion de Luc Van Biesen, donc... Oui, bon, il est de mauvaise foi ? Il y a des points communs entre les deux, même si on parlait de neutralité, un président... Il y a un NVA et un VLD. Mais oui, ils sont dans la même majorité gouvernementale. Non, mais qu'il n'ait pas entendu. Bah, je veux dire, les micros, ce qu'on enregistre, c'est pas ce qu'on enregistre dans les travers du Parlement. Hein. C'est pas sur les sièges, les micros sont pas placés là, c'est pas encore Big Brother. Peut-être que ce serait nécessaire de le mettre un jour, parce qu'on entendrait des choses qu'on ne devrait pas entendre. Mais bon, c'est une autre chose. Mais là, il y a quelque chose. Parler, c'est clair, il y a un lien. S'il évoque le Maroc, alors moi je pense qu'à Caterpillar, la plupart des ouvriers, s'ils ont une origine étrangère, elles seraient plutôt italiennes, à mon avis. Hein. Ceux qui interviennent, en tout cas, c'est plutôt des noms italiens. Donc rien à voir avec le Maroc, pourquoi ils devraient aller au Maroc ? Par contre, la personne qui intervient en solidarité, une ancienne ouvrière d'ailleurs de Ford Gang, c'est pas par hasard qu'elle intervient sur ce sujet, et c'est logique. C'est clair, Maroc, c'est lié à son origine, à elle, qui est une origine marocaine. Donc il n'y a pas d'ambiguïté pour vous. On va demander un avis à Liège. Dans ce cas, Karim, bonjour. Oui, bonjour. Hier, en plein Parlement, un député VLD aurait dit à l'ASP à Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc. Il nie à des témoins, elle affirme que c'est vrai à des témoins. Comment on fait pour savoir la vérité dans ce truc ? Déjà, il y a des témoins. Les témoins sont neutres, je suppose. Oui, il y a des témoins qui disent il l'a dit et des témoins qui disent il l'a pas dit. Ouais. Moi, je trouve une chose, c'est que voilà, la femme, elle fait son intervention, elle revient à sa place. Pourquoi est-ce qu'il s'excuse ? Pourquoi il s'excuserait ? C'est ça le point d'interrogation. Ah ben, il s'excuse en disant si j'ai eu des propos qui ont été mal compris, mais c'est pas ça que j'ai dit. Je veux bien m'excuser, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ouais, c'est vrai que là, on reste un peu dans le flou. Il a dit, il a pas dit, elle confirme pas. On va rester dans le flou, hein. Est-ce qu'on peut sanctionner un homme ? Est-ce qu'on peut sanctionner ce député VLD sans la certitude qu'il a dit, si t'es pas contente, retourne au Maroc ? Je suis moi-même d'origine marocaine, et moi, je pense qu'on va laisser ça au bénéfice du doute. Il l'a dit, il l'a pas dit, il l'a fait, il l'a pas fait. Et à la prochaine intervention, s'il dérape encore, là, il faudra prendre des sanctions. Voilà mon avis, moi. Ah ben donc là, pour l'instant, statu quo. On lui fait juste un regard méchant, alors. Ben, écoutez, voilà, il y en a qui l'ont, on va pas statuer sur eux. Il y a des gens qui l'ont entendu, des gens qui l'ont pas entendu. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On peut pas juger quelqu'un vraiment personne. Dans l'hémicycle, j'ai entendu que le président n'arrivait pas à écouter le commentaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ferez quoi, vous, Benjamin ? Le président de la Chambre a dit : moi, j'ai rien entendu. Je veux bien sanctionner, mais j'ai rien entendu. Et puis après, il a dit : mais en plus, c'est pas le genre de Luc Van Biesen de dire des choses pareilles. Donc l'affaire a été clôturée. Karim, le bénéfice du doute jusqu'à la prochaine. Nawal, une sanction à ce monsieur ou pour l'instant pas de sanction, faute de certitude? Une convocation en tout cas, très certainement, des explications. Si, il a expliqué, il a dit autre chose. Mais il a dit autre chose, mais il a dit quoi? Qu'il nous dit ce qu'il a dit, alors pourquoi est-ce que le Maroc intervient dans ce dossier? Qu'il explique clairement ce qu'il a voulu dire, et à ce moment-là, on verra si ça tient la route, si effectivement il était nécessaire de citer ce pays dans ce dossier, et je pense que ça ne tiendra pas la route, et dès lors, oui, sanction. Oui. Manuel, vous êtes un homme juste. Sanction avec un doute? Mais non, avant sanction, effectivement, on convoque les deux protagonistes, plus les témoins des uns et des autres, s'il en a, lui d'ailleurs, parce qu'apparemment, je ne pense pas qu'il en a, qui confirme ce qu'il aurait dit selon. Mais il en a un de taille, c'est le président de la Chambre, c'est Frick Brac qui dit, c'est pas son genre. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui ont entendu retourner au Maroc, mais personne d'autre, apparemment, a entendu. Que c'était, il parlait des ouvriers. Bon, ça c'est une chose. Je pense que c'est aussi important de lire. Si il l'a dit, et je pense qu'il l'a dit. Si il l'a dit, et le doute peut bénéficier du doute. Mais si il l'a dit, c'est pas étonnant qu'il le dise à l'égard de cette députée, parce que elle est victime à plusieurs égards. C'est une femme d'origine marocaine. Mmh. C'est une ancienne ouvrière. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers s'il n'y en a pas du tout au Parlement. Elle vient des classes populaires. C'est une ancienne déléguée syndicale. Donc c'est clair qu'il y a certains parlementaires, hélas, qui se permettent certains propos à l'égard de personnes bien particulières. Ah, elle est peu connue côté francophone, mais très mythique, vous passerez l'expression, en Flandre. Hier, en plein Parlement, un député VLD aurait dit à la SPA, Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc. Il n'y a des témoins. Elle affirme que c'est vrai à des témoins. Qui dit la vérité dans ce dossier. Troisième débat sur la table dans un instant. En 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job. Mais qu'est-ce qui se passe après Caterpillar, CMS Mode, Douegbert et tous les autres? Et puis 10h45, la question qui dérange. Est-ce qu'on peut conduire avec son smartphone et son GSM à Liège? Puisque le parquet a décidé de ne plus poursuivre systématiquement ceux qui téléphonent au volant et qui ne payent pas l'amende. C'est comme si la justice avait dit « Faites-le, je regarde pas ». C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Pas des pigeons. Vous non plus, on va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Jaguar présente le Art of Performance Tour du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement à partir de 299€ par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. À la maison, profitez plus et payez moins grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Moi, j'aime le poulet et je ne suis pas la seule. Ah, c'est sûr, car nous aussi, on aime le filet de poulet. Pas vrai, petit? Oh que oui, à la poêle, au grill, au four. Et c'est si vite cuit. Oh, je dirais même, c'est cuit-cuit, monsieur Marquet. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos succulents filets de poulet sont à 3,14€ la barquette de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15€ à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole c'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec vous, avec Nawal, la dernière heure, les sports, avec Manuel, le web magazine Résistance. Troisième débat, en 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job. Ce début d'année est catastrophique. Vous connaissez l'épisode Caterpillar. Eh bien, hier, on a appris la fermeture d'une autre usine, Douegbert à Grimbergen. On a appris que les magasins MS Mod allaient déposer la faillite. Là aussi, des centaines de travailleurs concernés. Des groupes pétroliers à Liberton, à Drogenbos, qui ferment son site. Et puis, il faut rajouter ces derniers jours, AXA, PNV. On dit aussi qu'ING va peut-être agir en matière de personnel. Là, pas encore de confirmation. Mais toujours est-il que, sans compter les sous-traitants, en 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job. Nawal, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu une si courte période aussi catastrophique. Bon, d'abord, il y a la médiatisation. On a parlé de Caterpillar, donc forcément, dès qu'il y a des pertes d'emploi ailleurs, on en parle. Par contre, pour ce qui est de PNV, d'ING ou des assureurs ou d'AXA, là, je pense qu'il va y avoir un réel souci et que ce n'est pas terminé dans les prochains mois parce qu'on a des taux très bas, on a des assureurs qui ne s'en sortent plus, des banquiers qui ont du mal. Donc, j'ai peur qu'on revive une crise comme on a pu la connaître en 2008. Donc, à la question « qu'est-ce qui se passe ?», la réponse est « nous sommes dans une crise économique grave qui s'exprime dans ces derniers 15 jours, Manuel ». C'est ça qu'il faut répondre. Oui, et Nawal vient de le dire clairement, et c'est déjà annoncé par des économistes. Alors, il y a des confrontations, des écoles différentes, des idées différentes à ce niveau-là, mais qui disent effectivement qu'on est à la veille de revivre une nouvelle crise comme en 2008. Et donc, c'est clair et certain qu'à l'heure actuelle, force est de constater que le système ou les personnes qui gèrent le système de manière générale, parce que c'est une crise internationale, n'arrivent pas à y répondre. Donc il y a quand même un bug, un fameux bug dans ce système économique qui ne conduit que à des licenciements et pas au plein emploi qui avait été quand même une promesse dans la construction européenne il y a plus de 30 ans. Hein. On nous avait dit que ça allait relancer l'économie et le plein emploi. Ça n'a pas marché. Donc il y a des gens qui ont commis des erreurs, en tout cas de prédiction. Et donc quand une recette ne fonctionne pas, il faut peut-être penser à autre chose. Est-ce que vous voyez quelque chose de neuf dans ce qui se passe? Parce que ce ne sont pas des licenciements ou des réductions de personnel. Coup sur coup, des fermetures d'usines. Caterpillar, fermeture d'usine. Douegbert à Grimbergen, fermeture d'usine. Est-ce que vous voyez quelque chose de neuf là dans ce qui se passe, Nawal? Non, si ce n'est que le marché mondial est sans cesse plus intéressant de jour en jour. Donc là, oui, c'est neuf parce que voilà, les coûts baissent à l'étranger et que peut-être qu'en Belgique, on n'a pas fait assez d'efforts pour retenir comme ça des multinationales. Et on n'a pas la poigne, c'est ça? Le gouvernement français a une voix et le gouvernement belge n'en a pas? C'est ça la conclusion? Ben, n'a peut-être pas en tout cas tous les pouvoirs qu'aurait le gouvernement français. On a vu Paul Magnette rencontrer cette semaine la direction de Caterpillar États-Unis et Paul Magnette a bien dit, ben, dans le fond, il n'y a rien à faire, ils étaient fermés. La petite Belgique, elle n'a pas de voix, elle n'a pas de force, Manuel? Mais jusqu'à présent, la politique ou en tout cas les relations publiques à l'égard d'entreprises ou de multinationales étrangères, c'est de les atterrir chez nous en leur donnant des cadeaux extraordinaires. Ça fait des années et des années, on a connu l'affaire, la saga ArcelorMittal. Et puis on se rend compte qu'au bout de X temps, quand ils ont fait, quand ils ont suffisamment investi, ou très peu investi surtout, mais en tout cas profité pendant 4-5 ans, ils se cassent, ils se partent, c'est terminé, ils ferment. Et on ne sait rien faire. Et on ne sait rien faire, non, je veux dire, mais si le problème est international, il faut évidemment une réponse internationale, mais il y a quand même des organes, je veux dire, des organes internationaux qui existent, toute une série d'organes, notamment à travers les Nations Unies, non, rien n'est fait, mais donc, évidemment, la seule solution, ce serait de réagir sur le plan international. Un avis à Angie. Vincent, bonjour. Vincent, bonjour. Vous êtes un ancien d'ArcelorMittal. En 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job. 4000 Belges. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est devant vraiment l'exemple même du capitalisme pur et dur, une société qui vire à une droite pure et dure. Un essorage uniquement financier qui ne fait qu'une chose, c'est enrichir les actionnaires. Ici, le but de Caterpillar, c'est le même. Vincent, coupez le kit main libre au haut-parleur et rapprochez-vous du téléphone. Je vous entends très très mal. Voilà, j'ai coupé. Voilà, ce sera plus facile. Ça veut dire quoi, un capitalisme pur et dur? On est devant simplement un rendement financier, non pas une on n'a plus de grandeur humaine. L'humain n'existe plus. Ici, c'est 4000 personnes que vous virez direct. Mais il y en a certainement 8000 familles qui sont liées à ces 4000 d'une manière directe ou indirecte. L'économie va se remettre de ça? 4000 emplois en 15 jours, on va se remettre de ça? Je pense pas. En plus, on perd des emplois à haute valeur, donc permettent de maintenir une société haute. Exemple, Caterpillar sont des salaires intéressants et vous vous retrouvez avec une société avec des rapports de salaire vers le bas. Des gens vont devoir travailler et ne seront même plus payés leurs factures. Quoi. Donc c'est de la folie. Quoi. Ah, et on le voit chez Douaigbert, toutes les fonctions sont concernées. Parce que Douaigbert, l'usine ferme, c'est-à-dire que toutes les fonctions, là aussi, sont concernées. Vincent, qu'est-ce qui se passe? Le capitalisme, m'avez-vous dit? Dernière chose autour de la table, votre sensation, Nawal, c'est fini là ou on n'est qu'au début de quelque chose? 4000 en 15 jours? Je pense qu'on est au début, malheureusement, d'un nouveau cycle. Encore une fois, la crise de 2008, c'est il y a bientôt 10 ans. Et à mon avis, ça va se répéter comme ça tous les 10 ans, de plus en plus souvent. Alors qu'avant, il y avait quand même un écart plus important. On avait de plus belles embellies, maintenant, non. Vous me dites ça aussi, on est au début du cycle ou on est fin de cycle? On est dans un nouveau cycle de crise et à nouveau avec les mêmes discours. C'est chaque fois la même série qu'on nous passe. On est toujours dans la saison 1 de cette série. On nous fait croire que ça, c'est comme ça, c'est la main invisible du système capitaliste. Non, il y a vraiment effectivement des responsabilités et un changement de cap qui est plus que nécessaire. Alors certains dans la presse ont appelé ça ce matin la grande faucheuse. Oui. Manuel Abramovitch, Nawal Ben Salem, bonne journée tous les deux. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Hier, l'avocat de Bernard Westphal a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre à propos de l'affaire. Est-ce que vous pensez que le jury est neutre? Ensuite, hier, en plein Parlement, un député Veldé aurait dit à l'ASP à Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc. Il nie, elle affirme que c'est vrai. Comment on fait pour savoir la vérité? Et puis en 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job après Caterpillar, MS Mod, Douaigbert, des licenciements, des fermetures. 4000 jobs en 15 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? 070-233-466, SMS 3063. Nous sommes à Woluwe-Saint-Pierre. Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous avez été dans le jury de combien de procès, vous, dans votre vie? Trois. Alors, vous avez une expertise. Hier, l'avocat de Bernard Westphal a supplié le jury d'oublier tout ce qu'il a entendu, notamment la diffusion la veille d'un enregistrement entre Véronique Piroton et son amant. Est-ce que vous pensez que le jury est neutre? Alors, il n'arrive pas neutre. Ça, c'est clair. Mais pour n'importe quelle affaire... Ici, cette affaire est très médiatisée, mais moi, trois des deux procès n'étaient pas médiatisés. Mais donc, on sait pour quel procès on va arriver. Mais vous n'avez pas le détail. Il y en a deux sur les trois, vous êtes arrivé sans éléments majeurs. Voilà. Mais on n'arrive pas neutre parce qu'on fait des recherches avant. On fait des recherches Internet, on pose des questions à des personnes et... Et on ne peut pas arriver neutre, on croit avoir un avis. Mais alors, les mots de Jean-Philippe Mayence, donc il est devant le jury hier, il dit « Je vous conjure d'oublier tout ce que vous avez pu entendre ». Ça aura un effet sur le jury ou ça n'aura pas d'effet? Ça n'aura pas d'effet, parce qu'ils vont devenir neutres. Quand on lit le réquisitoire, quand on écoute les témoignages, quand on écoute les experts, on n'est plus neutre. Sandrine, est-ce que la diffusion de cet enregistrement téléphonique la veille, donc mercredi soir à la télévision, dans le JT de 19h, et puis dans une soirée spéciale à 19h45, est-ce que ça c'est un élément qui a pu faire changer les opinions ou influencer de manière définitive? Avant d'être le jury d'assises, oui. Mais quand on est sélectionné, quand on est dans la cour d'assises, alors on devient totalement neutre. Alors vous dites non, mais sauf que cette diffusion d'enregistrement audio a été faite la veille, quelques heures avant la composition du jury. L'agenda sera important dans cette conversation si vous souhaitez ce débat-là en deuxième partie. Merci Sandrine. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. 15 minutes supplémentaires en province de Liège sur l'E40, Bruxelles, Aix-la-Chapelle, en raison du chantier Achorade. Vous ralentissez depuis Votem en direction de l'Allemagne. Et puis pour rejoindre Bruxelles, ça se passe bien. Quelques légers ralentissements à peine sur l'E411 à partir de Jésus-Zeik et sur le ring de la capitale. On perd maintenant moins de 5 minutes en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant à Couem, c'est Bruno qui viendra commenter les 4000 Belges qui en 15 jours seulement ont perdu leur job. Mais qu'est-ce qui se passe? Bruno répond dans une seconde. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13 euros, le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. Profitez maintenant de l'action automne, des milliers de carrelages à petit prix. .be. temps de choisir ma nouvelle voiture, j'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90, essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre. Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez de... Non, tu l'as pas coupé. Ah non? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche? Non, ça marche pas. Mais si. Non. Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, en plein Parlement, un député VLD aurait dit à la SP à Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc. Il nie, elle dit que c'est vrai. Comment on fait pour savoir la vérité à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Patricia Naline. Pour savoir la vérité, il faut mener une vraie enquête de fond, nous dit Patricia. Regardez la vidéo du Parlement, interrogez les différents députés VLD et SPA. Il est possible d'obtenir la vérité. C'est une question de volonté. Le président de la Chambre a clairement fait comprendre qu'il ne pouvait pas punir ce député pour ses propos au nom de la liberté d'expression. Une insulte, un commentaire déplacé, est-ce que c'est vraiment de la liberté d'expression, nous demande Patricia. En tout cas, elle demande à tout le monde d'arrêter les amalgames. Ici, il ne s'agit pas d'une étrangère ou du Maroc, il s'agit tout simplement d'un député qui insulte un autre député. Il faut voir ce problème comme ça, me dit-elle. C'est vous qui le dites à Kouem. Bruno, bonjour. Bonjour Benjamin. Ce début d'année scolaire est catastrophique. 4000 Belges ont perdu leur job en 15 jours. Qu'est-ce qui se passe? Mais pour moi, Benjamin, je crois quand même qu'il y a un petit problème aussi d'austérité. C'est-à-dire, je ne parle pas des multinationales, hein, tel Caterpillar, mais pour tout le reste, on a fait payer aux gens de plus en plus de taxes. Donc les gens ont de moins en moins dans leur portefeuille. On a enlevé des gens du chômage, du CPS et autres. Mais attendez, je ne comprends pas. C'est pas le gouvernement qui ferme Douekbert. C'est M. Douekbert qui dit usine fermée. Oui, monsieur c'est M. Mesmot qui va en faillite. Ben oui, mais M. Mesmot, s'il n'y a pas de clients, si M. Douekbert, il y a des gens qui achètent moins, eh bien, résultat des courses, il y a moins d'employés. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je travaille dans la grande distribution, ok, je tairai le nom, et on remarque qu'on a toujours autant de clients, mais que les chariots sont de moins en moins remplis. Et pourquoi? Parce que les gens ont moins d'argent. Et donc ça, il faudrait quand même s'en rendre compte. Quand Caterpillar ferme, une multinationale ferme, il y a toutes les petites PME autour aussi qui tombent. Mais attendez, donc, je teste votre théorie jusqu'au bout, Bruno. Ça tient peut-être, les clients ont moins d'argent, ça tient pour MS Mode. Mais Caterpillar, Gosselies, ils ne vendaient pas ses machines à la population. Oui, Douekbert non plus. Ben, Douekbert vendait quand même du café, jusqu'à nouvel ordre. Mais pas que au marché belge, pas que au marché belge. Hein. Ce qui a tué Douekbert, dit-on, c'est qu'aujourd'hui le marché va vers les dosettes, et qu'en Belgique, on ne fabrique pas les dosettes et qu'on fabrique des petits volumes. Mais il faudrait quand même savoir aussi que l'austérité, c'est dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et que donc, si jamais on enlève à tous les gens la manière de pouvoir vivre, je suis désolé, mais l'économie ne sait pas marcher. À part si on la met en bourse, ah oui, en bourse, alors là, elle tourne. Ça alors, c'est très bien. C'est le début de quelque chose ou c'est la fin d'un cycle, là, 4000 en 15 jours? Ce, ce, franchement, le début. Début. Moi, je vous dis que c'est la grande distribution, et je parle en général, si on continue à avoir les gens qui ont moins d'argent, eh bien, ils vont devoir penser à licencier. Et je ne donne pas tort à mon patron. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas une ASBL. Hein. Il ne va pas me garder, par exemple, à travailler s'il a moins de clients. Hein. Il va dire j'ai moins de personnel pour mettre de la marchandise dans le rayon, donc je vais engager moins. Je vais enlever des emplois. Je retiens alors votre regard sur le caddie qui prouve une certaine austérité. La population ayant moins d'argent, les grandes entreprises changent leur plan. Caterpillar, MS Mode, Douekbert, en 15 jours, 4000 Belges. On verra si on peut aller plus loin dans cette conversation tout à l'heure. Allons maintenant à Moucron. Hicham, bonjour. Oui, bonjour. Madame. Hier, on est en plein Parlement et ce député VLD aurait dit à la SPA Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc au moment où elle vient s'asseoir à sa place. Il nie à des témoins. Elle dit que c'est vrai à des témoins. Comment on fait pour avoir la vérité là-dedans? Bah écoutez, moi sincèrement, je me pose vraiment des questions. Je me pose des questions dans le sens où c'est un débat sur Caterpillar et ce député Open VLD dit cette fameuse phrase « Si t'es pas content, retourne au Maroc ». Moi, ça, j'entends quelque part une manière d'affaiblir une parlementaire qui est belge. Donc pour vous, il l'a dit. Pour vous, il l'a dit. Pour moi, sincèrement, oui. Oui, il l'a dit. Mais oui, mais Siegfried Brack a réécouté la bande. Et il n'y a rien sur la bande. Le président de la Chambre a dit si c'est vrai, je veux bien condamner, mais il fait réécouter la bande, il fait revisionner le moment par les services adéquats et il ne trouve pas la preuve de ça. Oh, vous savez, pour moi, c'est de la mauvaise volonté, vous savez. C'est de la mauvaise volonté. À partir du moment quand on entend ce député de Groen qui dit sincèrement qui prend un petit peu, entre guillemets, hein, qui prend un petit peu la défense de cette députée. Moi, je suis consterné d'entendre ces phrases. Mais pourquoi elle ne l'a pas dit elle-même alors? Pourquoi elle n'est pas revenue le dire elle-même? C'est Christophe Calvo de Groen qui a dû dévoiler publiquement la phrase. Pourquoi elle ne l'a pas dit elle-même? Pourquoi elle n'est pas montée au créneau? Bah écoutez, je pense qu'elle a eu raison. Je pense qu'elle a eu raison de ne pas jouer sur cette carte-là. De répondre à ces propos qui sont très bas venant d'un député au sein du Parlement, ce qui est triste. Hein. Sans au certitude, sanction ou pas? Un débat sur Caterpillar, au lieu d'amener des projets sur le plein emploi, etc., etc., eh bien non, on va aller titiller les origines. Hicham, sanction ou pas? C'est triste, c'est vraiment triste. Ah, triste, mais ça ne répond pas à la question de la sanction, sachant qu'il n'y a pas de certitude. Si on va plus loin tout à l'heure, ça fera partie de la conversation. Est-ce qu'on punit ou on ne punit pas, puisqu'on ne sait pas. Dans un instant, nous allons à Mons. Et Eric viendra nous dire si la diffusion d'un enregistrement téléphonique entre Véronique Piroton et son amant a pu influencer le jury. L'avocat de Bernard Westphal supplie. Oubliez tout ce que vous avez entendu. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur Poincaré.eu. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Bien amener au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera ? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert ? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte ? À partir de 139 euros par mois ? Ah, mais c'est parfait, ça ! Bien, monsieur, vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors, c'est la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stg800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, en 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job après Caterpillar, MS Mod, Douwegbert. En 15 jours, 4000 jobs. Mais qu'est-ce qui se passe à ce propos ? Et à ce propos, j'ai eu Jocelyne de Teux. Ce qui se passe, c'est le résultat de la mondialisation, nous dit-elle. Ces licenciements sont les résultats de la course au moins cher et à la concurrence. Les usines ont besoin de proposer les meilleurs prix et pour ça, elles embauchent au plus bas et préfèrent des ouvriers roumains, nos petits Belges, qui coûtent moins cher et travaillent plus. Avec toutes ces fermetures, Jocelyne les justifie encore par le prix. Ces usines préfèrent produire dans des pays où le coût de production est plus bas qu'en Belgique. C'est vous qui le dites à Mons. Eric, bonjour. Bonjour. L'avocat de Bernard Westphal hier a supplié le jury d'assises, 5 femmes, 7 hommes, a supplié ce jury pour qu'il oublie tout ce qu'il a pu entendre. Est-ce que ce jury est neutre à votre avis ? Écoutez, neutre, je ne sais pas, mais je me pose la question de la diffusion de ce reportage. Parce que, bon, je ne comprends pas pourquoi on enregistre une communication comme ça. Je ne vois pas une personne qui dit, sur disant téléphone à sa copine ou à sa maîtresse. Vous avez vu soit le journal, soit l'émission d'après dans laquelle est diffusé cet enregistrement téléphonique entre Véronique Pirotton et son amant. Vous avez vu ? Oui, j'ai vu, mais c'est quasiment un monologue, un interrogatoire. C'est quoi ? C'est un monologue de Véronique Pirotton ? De monsieur qui pose la question, quoi. Elle répond, on dirait vraiment c'est un interrogatoire et on dirait qu'il monte un dossier, je sais pas, moi ça pourrait être à des charges, monsieur. Eric, pour voir si ça a pu influencer, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou entendu, qu'est-ce que vous avez appris dans cet enregistrement téléphonique ? Ben pour moi, ça met un doute. Et donc le jury, s'il a vu ça, si les membres du jury ont vu ça, ils ont le doute ? Moi, je crois qu'ils vont douter, parce que moi, au départ, j'étais à 90%, que monsieur était coupable. Mais ici, ça me met un doute, là. Hein, ça me met un doute, parce que, bon, enregistré comme ça, c'est vraiment, on dirait un interrogatoire de police, et madame répond, et j'espère que j'aurai des bleus, et j'espère que si. Vous pensez que Jean-Philippe Mayence, face au jury, a pu avoir une influence quand il dit, sont les mots exacts, je vous conjure d'oublier tout ce que vous avez pu entendre précédemment. Est-ce que ça a pu avoir un impact ? Oh non, ça, tout le monde, non, c'est trop tard. Ah, ça n'aura pas d'impact, c'est trop tard, malgré le moment solennel. On est là dans une cour d'assises à Mons avec un avocat et un ténor du barreau. Eric, ça vous a mis le doute aussi, j'entends ça. Anderlecht maintenant. André, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin. Hier, en plein Parlement, ce député VLD aurait dit à Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc. Comment on fait pour avoir le fin mot, puisque réécouter la bande n'a pas permis d'être sûr qu'il l'a dit ? Parce que, écoutez, moi je l'ai vu à la télé. Moi, j'ai rien entendu, hein. C'est pas possible de l'avoir entendu, personne ne l'a entendu. Moi, je l'ai pas entendu. Parce que c'est le parlementaire flamand du Groen qui a dit ça. Mais vous le croyez ou vous le croyez pas? Non, je crois pas. Parce que M. Nollet était là aussi. Donc, s'il avait entendu, M. Nollet aurait réagi. Hein. Ah ben, c'est une question de proximité. Christophe Calvo de Groen est peut-être un poil plus proche de Myriam Kittir, là où Nollet est un poil plus loin. Oui, mais enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai rien entendu, moi, je ne crois pas. Parce que le Parlement du VLD, là, il a dit, je m'excuse, parce que c'est le président qui a directement demandé de s'excuser. Mais c'est bizarre quand même de dire, je m'excuse, mais j'ai rien fait. Alors pourquoi il s'excuse? Il y en a encore des autres qui sont là, tout près. Et eux ne disent rien non plus. Donc pas de sanctions? Ben non. Ah ben non, c'est très clair. Vous n'avez pas entendu, donc pas de sanctions. C'est QFD. Quelle est la conversation que nous mènerons après les infos? À tout à l'heure.

Et on va parler des conséquences sur la route de la manifestation des ouvriers de Caterpillar. Il y a des files sur la nationale 90, Charleroi-Binche. 20 minutes supplémentaires en direction du Ring 9. En province de Liège, c'est le chantier situé à Cherat qui vous ralentit sur l'autoroute 40. Bruxelles-Aix-la-Chapelle, la circulation est ralentie à partir de Votem où il faut ajouter un quart d'heure en direction d'Aix-la-Chapelle. Sur le Ring, la circulation s'est fluidifiée. Par contre, on ne peut pas en dire autant. Des tunnels bruxellois, ben, ça ralentit tout simplement dans pratiquement tous les tunnels. Bon courage et patience. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ah merci Stéphane, le débat continue dans C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Vous avez le nez bouché Lionel de Neubourg. Vous entendez? Vous n'avez pas une petite non, une malheureusement petite astuce, rien sous le manteau, ni déclaré ni au noir. Bon courage. Merci. Rendez-vous à 11h la rédac. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Le parquet de Liège a décidé de ne plus poursuivre systématiquement ceux qui téléphonent au volant et ne payent pas l'amende. D'où la question qui dérange. Est-ce que ça veut dire qu'on peut conduire avec son smartphone et son GSM à la main quand on est dans la région liégeoise? Donc, à ce stade, on sait que téléphoner au volant est passible d'une amende de 110 € et de poursuite devant le tribunal si on ne paye pas cette amende. Eh bien, le procureur du roi de Liège aura envoyé une note aux policiers pour leur expliquer que le parquet ne poursuivra plus systématiquement les infractions liées au GSM. Il a d'autres priorités et on dit dans les journaux Sud-Presse de ce matin que les policiers du coup ont le blues et sont un tantinet fâchés. Dans ce dossier, Guillaume Moulard, c'est vous qui cherchez ce matin le bon interlocuteur. Avez-vous à ce stade une piste? Oui Benjamin, à l'heure actuelle même plusieurs pistes. Tout d'abord Philippe Dulieu, c'est lui le procureur du roi de Liège et c'est donc lui qui a envoyé cette circulaire aux policiers. On a également le chef de corps de la police de Liège qui n'est autre que Christian Beaupère pour avoir le côté de la partie justement des policiers, ou Benoît Godard, porte-parole de l'IBSR, qui réagit aussi dans l'article. Pour lui, évidemment, c'est honteux de badiner avec la sécurité. Eh ben, en espérant pouvoir parler au procureur du roi qui dit que ce n'est plus une priorité. En attendant, si vous avez dans ce dossier un apport, aidez-nous à construire l'interview, laissez un éclairage à Zoé au standard. Et le problème de Sixtine d'Ivoire, c'est que la police verbalise pour rien. Ça ne l'étonne même pas que le parquet ne tente pas de poursuivre certaines personnes qui ne payent pas leurs amendes. C'est simple, pour elle, certaines amendes ne sont pas justifiées. Le parquet de Liège a décidé de ne plus poursuivre systématiquement ceux qui téléphonent au volant et ne payent pas l'amende. Est-ce que ça veut dire qu'à Liège, on peut conduire avec son GSM à la main? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Hier, l'avocat de Bernard Westphal a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre à propos de l'affaire, d'articles en conversation. Est-ce que vous pensez que le jury est neutre? Ensuite, hier, en plein Parlement, un député VLD aurait dit à l'ASP à Myriam Kittir, si t'es pas contente, retourne au Maroc. Il nie et a des témoins, elle affirme que c'est vrai et il y a des témoins. Comment on fait pour savoir la vérité? Et puis en 15 jours, 4000 Belges ont perdu leur job après Caterpillar, MS Mode, Douegbert, des licenciements, des fermetures d'usines. En 15 jours, 4000 jobs. Mais qu'est-ce qui se passe? Zoé, 3 débats au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur l'avocat de Bernard Westphal. Hier, il a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre à propos de l'affaire. Est-ce que vous pensez que le jury est neutre? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Le point de friction alors que le débat a démarré avec la constitution du jury, c'est la diffusion la veille sur TVI d'un extrait de conversation téléphonique qu'ont eu la veille de sa mort Véronique Piroton et son amant. Dans cette conversation téléphonique, elle disait la violence de son mari et son comportement. Depuis hier, on connaît donc le jury, on sait qui devra dire si oui ou non Bernard Westphal a tué sa femme. 5 femmes, 7 hommes dans le jury. Ces gens sont-ils vierges? En arrivant au tribunal, Bernard Westphal a parlé de boucherie médiatique pour dire ô combien il y avait eu influence sûre. Et puis il y a eu les mots de Jean-Philippe Mayence. L'avocat de Bernard Westphal a regardé le jury et a dit 2 points. Il est crucial que ce procès se fasse ici et nulle part ailleurs. Je vous conjure d'oublier tout ce que vous avez pu entendre précédemment. C'est la première fois de ma carrière que j'estime devoir faire cette mise en garde à un jury à peine constitué. Cet appel était à ce point fort qu'il a même été partagé par l'accusation, en quelque sorte. C'est bien la première fois et la dernière fois qu'accusation et défense ont été d'accord dans ce dossier. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais on n'arrive pas neutre parce qu'on fait des recherches avant. On fait des recherches internet, on pose des questions à des personnes. Et

de créer un dossier pour un divorce. Et alors là, on peut remettre en doute tout ce qui est dit dans le reportage. Ah, mais donc, l'existence de cette conversation téléphonique, son enregistrement et la médiatisation de, ça oriente quand même les jurés. Fameusement. Oriente, mais pas forcément dans le sens voulu. À partir du moment où on remet en doute cet enregistrement, parce que je connais pas beaucoup de gens qui enregistrent... Mais donc ça les influence, même si c'est pas dans le sens voulu, ça les influence, ou les jurés qui ont vu ce truc peuvent se dire « je suis hermétique ». Non, je pense que ça va les influencer, mais pas forcément dans le sens recherché. Est-ce qu'il est possible, Didier, supposons que ces gens aient été influencés et qu'ils aient vu, est-ce qu'il est possible qu'en cours d'audience, en cours de procès, qu'ils en reviennent à une forme de neutralité et que leur certitude de la veille au soir devant TVI s'éclipse face à l'exposé du dossier? Je pense que Maître Mayence a posé les bonnes questions concernant cet enregistrement, et à partir de ce moment-là, il y aura un doute qui va être créé, et le doute fait qu'on devient plus neutre. Mais le jury, dans le fond, c'est des gens comme vous, comme moi, c'est des gens issus de la population. Vous avez beaucoup lu sur le dossier Westphal? Beaucoup pas, mais on entend régulièrement tous les jours des commentaires, donc je pense que c'est difficile de rester neutre. Donc vous avez un avis. Si je vous demande un avis ce matin sur la culpabilité ou pas, vous avez un avis? Non, personnellement pas, non. Donc vous êtes neutre? Non. Oui, je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions et ce sera fait pendant le procès. Ah donc nous y voilà. Didier, vous avez été influencé comme les autres, mais vous n'avez pas d'avis. Vous êtes neutre. On verra évidemment au fil des conversations si vous, avec tout ce qui a été dit, si vous avez un avis. Attention, présomption d'innocence. Vous demandez si vous avez un avis, ne veut pas dire qu'il est coupable ou pas coupable. Guillaume, on revient deux secondes vers vous pour un éclairage. Cette fameuse conversation téléphonique enregistrée, vous l'avez écoutée, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, elle est très intéressante, Benjamin. Elle date, comme on le disait, de la veille des faits, c'est-à-dire le 30 octobre 2013. À ce moment-là, l'épouse de Bernard Westphal, Véronique Piroton, se trouve dans un restaurant à Ostende. Elle est au téléphone avec son amant et on peut entendre ceci sur l'enregistrement. En m'insultant, c'est donc Véronique Piroton qui parle. En m'insultant par rapport à toi, il a essayé de me jeter sur le lit. J'ai bondi de mon lit, alors il m'a pris par les poignets, mais fort, et j'espère que je vais avoir des bleus. Elle espérait donc avoir des bleus pour que ça se voit, et il ne voulait pas sortir de ma chambre. Moi, je ne voulais pas réveiller le petit. Finalement, j'ai su le mettre dehors et je lui ai dit que je quittais la maison. Aujourd'hui, ça date donc de la veille des faits, Benjamin. Voilà un moment majeur donc de ce qui s'est passé, du déroulé. Merci Guillaume. Avec ces éléments en tête, allons à Mons. Michel, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Vous avez déjà été juré d'assises, vous? Oui, j'ai été juré d'assises à Mons il y a quelques années, oui. Dans quel type d'affaires, rapidement? C'était une dame qui avait tué son petit garçon. Vous êtes arrivé neutre ou vous aviez lu des articles et des articles? Mais j'avais lu le pro justicia qu'on m'a envoyé, donc ce que j'allais devoir défendre. Et là, j'avais déjà un avis très catégorique, j'allais la condamner directement. Et en cours d'audience, vous avez changé d'avis ou pas? Au fil des débats, et bien sûr que j'ai changé d'avis. Je lui ai trouvé des circonstances atténuantes parce qu'au fil du procès, j'ai compris beaucoup de choses. Puis avec un très bon président, et voilà, j'ai changé d'avis, tout à fait. Alors ici, je voudrais votre avis sur plusieurs phases. Commençons par Jean-Philippe Mayence. Donc vous pouvez bien imaginer ce que c'est un avocat de la défense dans un procès important face au jury. Et l'homme vous regarde dans les yeux et vous dit « Je vous conjure d'oublier tout ce que vous avez lu dans la presse ». Est-ce que cet appel peut avoir un impact ou ça n'a pas d'impact? Non, ça n'en a pas pour moi. Ça n'en a pas? C'est pas ça. Non, c'est les débats qui vont donner, qui vont faire avancer le procès. Mais est-ce qu'au minimum, il a bien fait de le rappeler au juré qui devait être neutre? Est-ce qu'il a bien fait? Je ne crois pas, non. Pour moi, ça ne change pas. Je n'aurais pas changé d'avis parce qu'il me demande d'oublier. J'avais lu le procès avant d'y aller, donc j'avais déjà une idée qui était tout à fait forte. Et puis au fil du temps, avec justement un très bon président de cour d'assises qui a bien mené ses débats avec des témoins, j'ai changé d'avis. Je vous ramène à l'affaire Westphal. La veille de, donc le lendemain, il y a des gens qui sont appelés au tribunal. Ils ne savent pas encore qu'ils vont être jurés, parce que ça se négocie le jour même, mais ils savent qu'ils sont convoqués. Donc les convoqués, ils étaient peut-être devant la télé, ils ont peut-être assisté à l'enregistrement téléphonique. Quel impact ça a pu avoir sur eux? Moi je pense que ça va quand même jouer en faveur ou en défaveur de monsieur. Oui. C'est une pièce importante, pense, ça. Moi je pense qu'on n'aurait pas dû passer ça à la télévision, parce que j'ai regardé aussi, et honnêtement, j'ai des doutes. Donc ça vous a un peu orienté? Ça m'a orienté, oui, tout à fait. Ce matin, vous avez un avis? Oui, moi je pense que monsieur n'est pas tout à fait condamnable pour tout. Non, moi oui, j'avais un avis en fait, oui. Alors on peut discuter puisque vous n'êtes pas dans le jury. Non, oui. S'il y a un juré qui a la même sensation que vous après avoir vu l'enregistrement audio, il va peut-être changer d'avis en cours de route quand même, si le débat est bien mené. Oui, tout à fait. Oui, c'était mon cas. Donc ça, c'est un élément important. On peut arriver en étant non neutre et puis retrouver une forme de neutralité. Michel, vous êtes à Mons ce matin. On va rester dans le Hainaut, à Carnion. Christophe, bonjour. Bonjour, Benjamin. Je voudrais, avec vos mots, que vous me résumiez ce qu'il y avait dans cet enregistrement audio pour voir ce qui a pu influencer les 5 femmes et 7 hommes qui vont devoir décider du sort de Bernard Westphal. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Bon, je l'ai entendu dire, je ne me souviens plus exactement, bon, c'était une conversation, mais moi je m'offusque, je suis outré aussi, je suis parfaitement d'accord avec Maître Mayence, ça n'aurait jamais dû être diffusé. D'ailleurs, j'ai envie de dire que je ne comprends pas très bien le journalisme qui est à la base, normalement, prioritairement, censé informer et non investiguer. Un élément, Christophe, parce qu'il y a polémique là-dessus. Cette pièce-là, cette conversation, elle était de toute façon versée au dossier. Et donc les jurés allaient de toute façon, un jour ou l'autre, l'entendre. Alors ? Oui, mais lorsqu'ils l'auraient entendu, ils auraient été en présence des avocats et donc face à un débat contradictoire. Ici, ils ont entendu avant même la composition du jury. Donc lorsque, comme vous avez dit tout à l'heure, ils ont eu leur convocation, ils ont eu l'occasion d'avoir des contacts avec des membres de la famille, des amis, des collègues de travail, et ils ont sûrement été influencés par les avis de tout un chacun. Mais vous croyez à cette théorie, notamment de Michel, qui dit, vous savez, en cours de route, si le débat est bien mené, eh ben, la certitude d'hier, elle peut devenir une autre certitude demain. On peut changer d'avis. On peut changer d'avis, mais tout dépend de la personnalité de chacun. Donc il y a des gens qui ne changeront pas d'avis. Ils ont été influencés la veille par TVI, point. Ah, je ne dis pas qu'ils ne changeront pas d'avis. Je viens de dire que tout dépend de la personnalité de chacun. Il y a des personnes qui sont très facilement influençables. Il y a des gens qui ont leur avis forgé qui ne changeront pas d'avis. Il y a des gens qui sont influençables. Et en fonction du débat et des questions pertinentes posées par Maître Mayence, peut-être que certains changeront d'avis. Christophe, pour prendre un citoyen au hasard parmi d'autres, vous, on est le 16 septembre. Vous avez beaucoup lu les articles de presse sur le procès Westphal ou vous n'avez quasi rien lu? Je n'ai quasi rien lu parce que je suis très occupé. Autant j'aime l'actualité, autant j'aime tout ce genre de choses. J'ai déjà aussi assisté à du jury d'assises. Je trouve ça très impressionnant, très bien. Mais voilà, pour ce dossier, je n'ai pas eu l'occasion de suivre. Donc il est possible que des jurés n'aient pas lu non plus. Pardon ? Et donc il est possible que les jurés n'aient pas lu non plus. Oh, c'est possible, mais lorsqu'on est convoqué, ben forcément, on s'intéresse au sujet auquel on va devoir résister. Donc là, c'est plus... Là, je doute fort. Par contre, je tiens quand même à préciser que pour moi, ce jugement, cette condamnation, c'est un flop d'avance. Je tiens quand même à préciser que un des plus gros dossiers judiciaires de notre pays, c'est la triste affaire du trou, et que M. Bourlet a été évincé pour beaucoup moins que ça. Christophe, comme dans tous les dossiers, il faut partir avec ce qu'est le système belge, c'est-à-dire la présomption d'innocence et la confiance dans la justice. Ce qui n'empêche pas évidemment chacun d'avoir un avis, c'est pour ça que je vous demande ce matin si vous avez un avis pour savoir quel est l'état de l'influence qu'a pu avoir la presse sur vous. Christophe Carnion. On va marquer une nouvelle pause et dans un instant à Bouillon, Yannick viendra nous dire si cet enregistrement audio est une pièce majeure ou si c'est un fait anecdotique dans un journal télévisé la veille d'un petit procès. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Hyundai, c'est automézer. Hyundai automézer. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils sont tout pour me plaire. Hyundai automézer, 542 chaussée de Louvain, proximité Mézère. Tu as remarqué? Plus les journées raccourcissent, plus les nouvelles collections automne augmentent. Toi, tu es passé chez Espace Mode. Et je compte bien y retourner avec toi. Stop aux automnes moroses. Espace Mode présente toutes les nouveautés de la saison dans les marques les plus tendances. Sweat, jupe, pull, pour toute la famille et pour tous les goûts. Espace Mode sera ouvert ce dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'i-cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15€ à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Et au 0-70-233-466, alors Zoé, qu'on débatte de l'influence qu'a pu avoir la couverture médiatique sur le procès, beaucoup de commentaires sur la manière dont Bernard Westphal a utilisé les médias. Oui, notamment celui d'Olivier Dandenne. Il se souvient de l'interview de Bernard Westphal, interview de plusieurs pages qu'il avait livrée depuis sa prison en 2014. À l'époque, ça l'arrangeait bien qu'on l'écoute et que les médias lui tendent la main. C'est lui qui a provoqué cet engouement, nous dit Olivier. Il y a eu aussi Oriane Dabbé. Elle trouve que c'est un peu gros de parler de boucherie médiatique quand l'ancien député écolo sait très bien manier les médias puisque c'est son boulot à la base. Elle se méfie de sa victimisation qui pour elle n'est que le fruit d'une stratégie de défense. Il y a eu Lucide Mabonpré, elle aimerait rappeler que cet homme qui se dit victime des médias a déjà lui-même rédigé un bouquin qui s'appelle Assassin sur sa propre histoire qui sortira après le verdict. Si ça ce n'est pas surfer sur la vague d'un meurtre et se faire du blé sur une histoire macabre, Lucie ne voit pas très bien ce que c'est. Et les audiences démarrent donc réellement lundi. Nous sommes au lendemain de la constitution du jury. Bouillon, Yannick, bonjour. Bonjour Benjamin. Quelle est votre théorie sur la diffusion de cet enregistrement audio? Qui aurait eu intérêt à diffuser cet enregistrement audio? Pour moi, il y a quand même deux questions principales à se poser. Tout d'abord, dans quel but cet enregistrement vidéo a été effectué? Et la deuxième question, pourquoi cet enregistrement vidéo sort-il juste avant la constitution dans le jury? Ah ben alors attendez, vous allez répondre à vos questions. Alors dans quel but cet enregistrement a-t-il été effectué? Question 1. Eh bien, comme Véronique Pireton le dit dans l'enregistrement, à mon avis, elle espérait avoir des coups pour pouvoir peut-être obtenir un divorce plus facilement. Ok. Pourquoi cet enregistrement sort-il juste avant la constitution du jury? Eh bien, tout simplement, justement, pour essayer de faire valoir la soi-disant violence de M. Westphal. Est-ce que c'est une pièce majeure qui peut vraiment influencer de manière lourde, grave, pertinente, profonde? Vous trouvez tous les mots que vous voulez. Est-ce que c'est une pièce qui peut vraiment faire basculer le procès avant qu'il ne commence? Parce que Jean-Philippe Maillan s'était très fâché hier. Bien évidemment. À partir du moment où on sort de tels éléments dans la presse, alors qu'il y a une constitution dans le jury qui se prépare, et forcément, si un des membres des jurys ont entendu cet enregistrement, forcément, ça va déjà les influencer. Vous croyez qu'il était vraiment fâché, Jean-Philippe Mayence, ou c'est du cinéma pré-audience? Non, à mon avis, c'est un bon coup de colère et il a raison. Et ça aura impressionné le jury quand il dit « je vous conjure d'oublier en étant fâché », ça les aura impressionnés, les jurés, ou pas du tout? ça, tout va dépendre de la façon dont le jury, chaque membre du jury, peut avoir comme réaction suite à cet enregistrement. Honnêtement, Yannick, mais... vous seriez dans le jury de ce procès. Donc, vous êtes aux audiences. Mais vous auriez une petite tendance à regarder tous les soirs le JT, voir ce qu'on en a dit, ou vous seriez complètement hermétique ? Non, je pense que quand on fait partie d'un jury d'assises, il faut être complètement hermétique. Mais vous, vous pourriez le faire. Vous pourriez ne pas regarder le JT de la RTBF le soir. Oui, de toute façon, c'est interdit. Lorsqu'on est juré d'assises, normalement, on ne peut pas... on doit éviter toute forme d'influence. Voilà. Vous n'êtes pas dans le jury. Ce matin, après avoir entendu l'enregistrement audio entre Véronique Pirotton et son amant, vous avez un avis ? Oui. Sur la culpabilité ? Bernard Westphal s'est fait piéger. S'est fait piéger. Voilà. Yannick Bouillon... Je rappelle qu'il y a présomption d'innocence, mais nous ne sommes pas ici le tribunal. Au tribunal, il y a la présomption d'innocence, il y a le travail juré, jury, avocat, cour. Herstal nous appelle. Jean, bonjour. Bonjour, Benjamin. Est-ce que le procès a déjà basculé hier soir? Est-ce que la messe est dite? Oui, je pense. Je pense que le oui, je pense. Tout à fait. Je pense que le tout a basculé, malheureusement pour Bernard Westphal. Et je pense que même sa défense, je pense que son avocat l'a très bien compris, Maître Mayence, qui est quand même une pointure au niveau belge, et même au niveau européen, est quand même un avocat de renom. C'est pour ça qu'il était fâché, parce que ça a basculé, pense, il l'a compris. Oui. Oui, je pense, oui, ça a basculé. D'abord, il a été vexé qu'on ait sorti, cet enregistrement. Et voilà, donc sa défense, il va le faire, c'est un avocat brillant. Je comprends pas, Jean, pourquoi cet enregistrement fait basculer tout et que la messe est dite, alors que ça fait des semaines qu'on a dans les journaux des récits minute par minute, dans Sud Presse, dans les autres, des récits minute par minute de ce qui s'est passé ce soir-là, les théories sur le sac plastique qui aurait pu permettre de l'étouffer ou pas, le résultat de la journée, le moment où elle appelle son amant, où elle va au restaurant... Et c'est juste cet enregistrement qui aurait fait basculer les choses. Oui, oui, c'est cet enregistrement qui fait basculer les choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir quand même que les jurés, ce sont des gens comme moi, comme vous, nous sommes lambda là-dedans. Nous sommes influençables énormément par la presse. Depuis que l'histoire est sortie, je pense qu'on l'a chargé, on l'a chargé, on l'a chargé. D'où ça vient, personne ne le saura peut-être jamais, mais c'est un homme qu'on veut abattre. Du côté familial, il s'est fait abattre également, et maintenant, évidemment, malheureusement, son épouse est décédée. On ne connaît pas les raisons, on ne les connaît toujours pas. Mais pourquoi vous faites pas confiance aux jurés? Parce que peut-être que ça a basculé devant le JT avant-hier soir, mais peut-être qu'en cours d'audience, ces gens vont revenir à une réflexion, vont revenir à des théories, à des thèses, des antithèses. Vous savez, quand vous partez sur une décision, quelle qu'elle soit, même pour le citoyen lambda, c'est rare quand on fait demi-tour, malgré l'avocat général, malgré toute la structure juridique qui est autour, il y a un a priori de départ, et cet a priori, avant d'être éliminé, d'accord, ça va durer 3 semaines, on est tout à fait d'accord, mais en 3 semaines, ils sont en vase clos, et ils partent toujours avec cette idée de départ. Et donc vous avez un a priori alors, et vous n'en changerez pas, c'est quoi votre a priori ? Ben mon a priori, c'est que malheureusement, il va prendre un maximum. Ah, vous savez qu'il risque jusqu'à 30 ans de prison hein, s'il est déclaré coupable. Autre hypothèse, le suicide. Autre hypothèse, le mélange alcool-médicaments qui aurait eu un impact sur Véronique Pirotton. C'est le jury qui va trancher, mais vous avez un a priori, il prendra le maximum. 10h32, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé, dans les appelants de ce matin, combien estime que l'avocat de Bernard Westphal, en disant que son client est victime des médias, aurait mieux fait de se taire? 60% pense que Maître Mayence, l'avocat de Bernard Westphal, aurait mieux fait de se taire parce qu'en disant que son client est victime d'une machinerie médiatique, il influence directement le jury de façon positive ou négative. La neutralité et l'impartialité des jurés, c'est lui qui l'a effacé en tout simplement disant que les médias avaient influencé son client. Les routes maintenant, Stéphane, RTBF Mobile Info. Et les conséquences sur la route de la manifestation à Charleroi, la manifestation des ouvriers de Caterpillar qui est en cours, ça ralentit sur la nationale 90, bas Charleroi, vers le Ring 9. Et puis, autre ralentissement en province de Liège, le chantier de Cherat vous fait perdre 20 minutes en direction de l'Allemagne. Vous ralentissez depuis Votem à l'approche de Cherat. Patience. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom. Le parquet de Liège a décidé de ne plus poursuivre systématiquement ceux et celles qui téléphonent au volant. Est-ce que ça veut dire qu'à Liège, on peut conduire avec le téléphone à la main, pépère, tranquille? Question qui dérange, j'attends un nom après la pub. Ce samedi et ce lundi chez Brico, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Brico. Moins 15% avec la carte Mon Brico. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Brico. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et classe. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. En télé sur la Une, dépassement de soi, émotion, performance, Viva Rio les Paralympiques, votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange, tous les jours après le JT sur la Une. Voir et revoir, rtbf.be/onvio. Bientôt l'automne. Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressings, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. Dewey Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meis et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meis et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dewey Car Center. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Le parquet de Liège aurait donc envoyé une note aux différentes polices pour dire que la poursuite de ceux et celles qui ne payaient pas l'amende pour GSM au volant n'était plus une priorité. D'où la question qui dérange ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'à Liège, on peut conduire avec son smartphone et son GSM à la main comme si de rien n'était? Guillaume, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom à nous donner? Oui, alors j'ai d'abord cherché du côté du parquet de Liège et le procureur de roi, M. Dulieu, malheureusement en réunion toute la matinée. Même chose pour le chef de corps de la police de Liège. Nous aurons finalement Benoît Godard, qui est porte-parole de l'Institut belge pour la sécurité routière, l'IBSR. Selon lui, c'est une honte de démotiver les troupes de cette façon. Il faut se mettre à la place des policiers qui travaillent et qui verbalisent en amont pour finalement se rendre compte que leur travail n'est pas suivi. Beaucoup de gens, dont des proches d'accidentés ou de tués de la route, investissent énormément d'argent dans les campagnes publicitaires de sensibilisation, justement, à l'usage du téléphone au volant. Et d'un autre côté, le parquet sape leur travail. Pour lui, ce n'est pas une bonne manière de faire. Bon, nous lui parlerons tout à l'heure. IBSR en ligne, est-ce que c'est normal d'avoir des priorités dans les parquets? Vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le au standard. Le problème pour Quentin de Lessine, c'est qu'on ne peut pas laisser ces dangers de la route s'en sortir. Alors le parquet de Liège est peut-être surchargé de dossiers, mais la sécurité des gens doit passer avant tout. 10h45, donc notre question qui dérange, est-ce qu'à Liège on peut conduire le GSM à la main? 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur l'avocat de Bernard Westphal, qui hier a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il a pu entendre à propos de l'affaire. Le point de friction, donc, c'est la diffusion la veille de la constitution du jury de cette conversation téléphonique entre Véronique Piroton et son amant. Est-ce que vous pensez que le jury est neutre? 070 233 466 et par SMS au 3063. Allons à Ostende maintenant. Jocelyne, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez vu dans le JT cette diffusion de conversation téléphonique? Absolument, je l'ai vue. Quand vous assistez à ça, vous vous dites quoi de la diffusion de cet extrait? Vous dites quoi? Je dis que c'est la diffusion de cet extrait ne doit pas tout d'abord avoir lieu. Quand il y a un procès en cours, tout d'abord, Maître Mayence n'a supplié personne. Maître Mayence était furax. Je connais très bien Maître Mayence. Pourquoi il était furax? Furax parce qu'on ne diffuse pas ça la veille d'un procès. Mais ce sera quand même dans le procès, c'est une pièce au dossier, alors. Ok, mais je trouve ça un peu fort aussi que cette conversation fut enregistrée, alors que je ne comprends pas avoir enregistré. Moi, quand je téléphone à mon mari, j'enregistre jamais une conversation. Donc je trouve ça un peu fort. Et aussi, je dis, on essaye de descendre. Mais il faut voir aussi les alinéas de cette dame. Elle n'est pas toute clean non plus. Qui vous dit que les jurés ont regardé ce reportage? Parce que là, on part du principe qu'ils ont été influencés. Mais qui vous dit qu'ils l'ont vu? Je suis sûre que beaucoup l'ont vu. Parce que vous savez, quand la veille, on sait qu'on va être juré. Et moi, je connais ce procès de A à Z, parce que je connais Maître Mayence. Quand il y a un procès, je lis tous ces procès, même que j'habite Ostende. Avant, j'habitais Charleroi, j'ai connu Maître Mayence, qui est un excellent avocat. Et Maître Mayence, supplier quelqu'un ne fera jamais, vu son standing et la hauteur de son avocat. Vous savez, c'est un des plus grands avocats, c'est un ténor du barreau de Charleroi. Ah ben c'est lui qui a eu ses mots face au jury. Je vous conjure d'oublier tout ce que vous avez pu entendre précédemment. Et en arrivant au tribunal juste avant, Bernard Westphal avait dit: comment voulez-vous être serein avec une telle boucherie médiatique? Jocelyne, Ostende est proche donc de l'avocat, si j'ai bien compris. Il est 10h39, on appelle les experts. Et nous appelons un avocat qui n'est pas impliqué dans ce dossier, mais qui connaît bien les cours d'assises, pour avoir notamment défendu Patricia Lefranc, victime du vitrioleur, ou encore pour avoir été l'avocat de Geneviève Lhermitte. L'avocat pénaliste Daniel Sprotels est en ligne avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Vous connaissez le comportement des jurés, est-ce qu'il est possible que ces gens convoqués, mais pas encore jurés, la veille, s'installent devant le JT et regardent attentivement ce qui se passe ? Alors, il est évident que à partir du moment où les gens ont reçu une convocation comme candidat juré, ils savent dans quel procès ils sont appelés à éventuellement être désignés comme juré effectif, et ils s'intéressent bien sûr à l'affaire. Et ceux qui disent qu'ils ne vont pas essayer de lire la presse écrite ou tout simplement de suivre les journaux télévisés, je crois qu'ils se trompent, dans la mesure où il y a une forme d'intérêt à essayer de savoir dans quelle affaire ils pourraient éventuellement intervenir. De quoi parle-t-on ce matin? Pas des interviews de la famille de Véronique Pirotton qui peuvent être des facteurs influençants, non. On parle d'un enregistrement audio entre Véronique Pirotton et son amant, une pièce qui est au dossier. Est-ce qu'il est possible que ces jurés aient écouté la pièce au JT et puis qu'ils revisitent la vie qu'ils ont eue au moment où ce sera diffusé à l'audience? Alors, c'est tout à fait possible qu'ils aient, ou que certains aient entendu effectivement l'enregistrement télévisé, qui a été diffusé à la télévision, mais je peux vous dire que, et c'est un grand classique des procès d'assises, en réalité, certains jurés, après avoir effectivement lu la presse, écouté la télévision, arrivent au procès avec, entre guillemets, une certaine idée de la culpabilité ou non éventuelle de l'accusé. Mais lorsque le procès commence, toutes leurs idées éventuellement préconçues vont être balayées. Pourquoi ? Parce qu'ils vont entendre des témoignages, ils vont entendre des analyses, ils vont entendre des experts, et finalement, ils seront sans doute appelés éventuellement à tout à fait changer d'avis par rapport à ce qu'ils auraient entendu. Et c'est la raison pour laquelle je comprends parfaitement que Jean-Philippe Mayence demande aux jurés de ne pas s'intéresser à autre chose qu'au procès lui-même et à ce qui se déroulera à la salle d'audience, parce qu'il faut effectivement que ces jurés aient une information qui soit la même pour chacun, ce qui ne serait pas le cas si certains n'avaient éventuellement pas pris connaissance de ces éléments avant le procès et que d'autres les aient eus. Et dans ces conditions, c'est le procès et rien que le procès qui compte au niveau de l'information. Et je crois que les lectures préalables seront très vite oubliées et il y aura d'autres éléments qui vont balayer ces idées éventuellement préconçues, éléments qui apparaîtront lors du procès. Quel impact quand même sur votre travail, puisque les affaires médiatiques très suivies dans la presse, vous les connaissez, hein, Patricia Lefranc ou encore Geneviève Lhermitte. Très honnêtement, est-ce que ça complique le travail de la défense ou vous n'en avez cure ? Celui qui affirme comme avocat que l'aspect médiatique au niveau des assises n'a pas d'importance, celui qui affirme cela se trompe complètement. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a une telle médiatisation que les procès comportent, c'est à regret que je le dis, mais c'est une réalité, deux aspects. Il y a une défense au niveau de la cour d'assises elle-même, mais il y a aussi une défense médiatique parce que à partir du moment où il y a des commentaires qui sont formulés à travers les médias, au sortir du palais de justice par certaines personnes, l'avocat doit aussi exercer un devoir de défense médiatique pour essayer de rétablir les choses et pour essayer de faire en sorte que des informations éventuellement fausses qui auraient été répandues soient effectivement remises à leur juste niveau. Dans ce cas, s'il y a utilisation, vous pensez que l'apparition dans la presse de cet enregistrement audio entre Véronique Pureton et l'amant, vous pensez que c'est quelque chose qui a pu être instrumentalisé par l'accusation, par la défense ? Je ne connais pas du tout la source et le fait de savoir s'il y a eu instrumentalisation, mais il est évident que ce sont des éléments qui, à l'heure actuelle, peuvent paraître importants, mais on va tellement parler au cours du procès de ces éléments que le fait qu'ils aient été diffusés avant, ça ne laissera finalement pas tellement de conséquences, mais l'avocat Mayence Jean-Philippe a tout à fait raison d'insister comme il l'a fait, en disant « Soyez attentifs, le procès se déroule à l'audience et pas du tout dans les médias. » Dernière chose, très rapidement, Daniel Sprottels, en deux mots, est-ce qu'on est sûr que les jurés en cours d'audience, on est parti pour trois semaines ou plus, est-ce qu'on est sûr que ces gens ne regarderont plus le JT, ne liront plus le journal pendant ? Alors, croyez bien que le président ne va pas manquer de leur dire qu'ils doivent éviter de lire la presse, qu'ils doivent éviter d'avoir des sources d'informations autres que celles de l'audience, mais c'est un vœu pieux. Ils vont évidemment continuer à lire, à écouter. Ce serait mieux qu'il n'en soit pas ainsi, mais ce sera néanmoins comme cela. Ainsi va la vie. C'est un vœu pieux, avez-vous dit. Daniel Sprottels, avocat pénaliste, vous connaissez donc les jurés et les jurys d'assises. Merci de nous avoir éclairés. On va au standard 070-233-466. Un jury n'est jamais neutre. Jamais neutre, c'est une certitude, Zoé. Oui, c'est cette certitude. C'est Gilles de la Glanerie qui nous l'énonce. Récuser, c'est important. C'est un terme qui signifie refuser une personne dans la constitution du jury. Les avocats lisent le profil des différents jurés et s'ils ne correspondent pas, s'ils risquent par leur passé de jouer en leur défaveur, les avocats des parties civiles ou de la défense peuvent les renvoyer. C'est bien la preuve pour Gilles que tout le monde est influençable et que personne ne peut être neutre lors d'un procès. Chacun a son passé, ses émotions, sa sensibilité et c'est toute la difficulté de rendre justice, nous dit Gilles au standard. Et dans un instant, question qui dérange. Et donc à Liège, maintenant, on peut téléphoner avec le téléphone à la main. La justice ne poursuit plus. C'est juste après la pub. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorins. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vous êtes marcheur, vététiste ou coureur à pied? Vivacité présente le 5e Éco-Trail de Bruxelles. Une course 100% nature sur 9, 18 ou 80 km. Rendez-vous le 24 septembre au pied de l'Atomium. T-shirt et repas offerts à tous les participants. Info ecotrailbrussels.com. Avec la DH, Moustique et le magazine Zatopek. Bonjour, je m'appelle Frédéric Allart, je suis graphiste chez Télépro. Mon rôle consiste à mettre en page de façon claire et lisible. Et surtout, que vous preniez autant de plaisir à découvrir Télépro que j'en ai eu à le concevoir. S'informer, apprendre, s'amuser, Télépro, chaque mercredi en librairie. Tu l'as lu, t'as tout vu. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Téléphoner au volant est passible d'une amende de 110€ et de poursuite devant le tribunal si vous ne payez pas. Sauf que le parquet de Liège envoie une note aux policiers, on poursuivra plus. Avant d'interpeller l'IBSR dans une seconde, dernier éclairage au standard, Zoé. Le problème pour Sylviane de Louvain-la-Neuve, c'est que le citoyen est l'objet de verbalisations faciles. Parce que vous téléphonez au volant ou tout simplement parce que vous avez retourné votre téléphone, on peut faire l'objet d'amendes. La preuve est là, nous dit Sylviane. Même le parquet de Liège a abandonné ses abus de la police. Le porte-parole de l'IBSR est en ligne avec nous, l'Institut belge pour la sécurité routière. Benoît Godard, bonjour. Oui, bonjour. Votre position, vous n'êtes pas content de cette note envoyée par le procureur du roi de Liège, mais... sur le terrain, est-ce que les infractions GSM en main quand on conduit sont encore si fréquentes que ça? Ce qui pourrait expliquer que le parquet dise c'est plus une priorité. Oui, bien sûr qu'elles sont fréquentes. Je suppose que vous faites partie des gens qui sont dans la circulation tous les jours et qu'il suffit de regarder à gauche, à droite, quand vous êtes dans les embouteillages, notamment les gens qui sont scotchés à leur smartphone, qui envoient des emails, des SMS et qui, du coup, ne redémarrent pas quand la file redémarre. Donc, c'est non seulement dangereux quand ils roulent, mais c'est aussi irritant et ça nuit à la mobilité. Donc, c'est clair que c'est fréquent. Vous comprenez quoi quand le parquet de Liège envoie une note aux polices en disant « on ne poursuivra plus systématiquement ». Vous comprenez qu'il y a un problème d'argent ou vous comprenez qu'il y a vraiment un choix en matière de priorité et que pour Liège, ça n'est pas une priorité? Alors deux choses. Oui, nous comprenons qu'il peut y avoir un problème de moyens, mais c'est certainement pas la bonne méthode d'agir. Il y a d'autres moyens de le faire. Ils peuvent agir notamment par quota, à partir d'un certain moment, arrêter de verbaliser ou ne plus verbaliser que les cas les plus graves, mais ne pas informer la population que c'est le cas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les premières personnes auxquelles je pense, ce sont les policiers sur le terrain. Mettez-vous à leur place. Ils voient un conducteur passer qui téléphone au volant, le verbalise, le PV arrive au parquet, qui le renvoie au policier en lui demandant de se justifier. Il est évident que la prochaine fois, le policier va fermer les yeux. Et donc, ça mine le travail des policiers sur le terrain et ça les démotive. Mais il va fermer les yeux, le policier, ou il est obligé par la loi, dès qu'il voit une infraction, obligé de verbaliser? Mais il est censé verbaliser. Maintenant, mettez-vous à sa place, encore une fois. Vous verbalisez et en échange, vous recevez votre PV en retour en vous demandant de vous justifier pourquoi vous avez verbalisé. C'est clair que la prochaine fois, il va détourner le regard. Hein. Vous êtes favorable alors à l'idée de quota, qu'un parquet se dise « ça m'intéresse de poursuivre, mais dans une certaine mesure, 10 personnes et pas 15 ». Soyons clairs, la solution idéale, c'est une solution où la justice a les moyens de verbaliser dans tous les cas. Ça, c'est évidemment la solution idéale et c'est vers ça que l'on doit aller. Maintenant, à partir du moment où la justice n'a pas les moyens, elle doit trouver des solutions d'agir, mais certainement pas demander chaque fois aux policiers de se justifier. Je vais quand même vous avouer quelque chose. Aujourd'hui, sur votre antenne, à 6h50 du matin, nous avons entendu un petit spot de l'association des parents d'enfants victimes de la route. Ces gens collectent de l'argent pendant toute l'année pour pouvoir mener ce genre de campagne. Ce petit spot disait « pas de SMS au volant ». Et le jour même, on voit dans les journaux, oui, GSM au volant, si vous habitez à Liège, on ne verbalise plus que les cas les plus graves. Mettez-vous à la place de ces gens qui se battent au quotidien pour la sécurité routière, qui se battent au quotidien pour lutter contre le phénomène du GSM au volant, lorsqu'ils vont lire ce message envoyé dans la presse. Est-ce que vous avez connaissance d'autres parquets? Parce que c'est Sud-Presse qui ce matin présente la note du parquet de Liège et le procureur du roi confirme que cette note a bel et bien été envoyée, donc c'est une certitude. Est-ce que vous avez connaissance d'autres parquets qui aurait fait du GSM au volant une non-priorité. Non, nous n'avons pas de connaissance d'autres parquets. Peut-être existe-t-il, nous n'en savons rien. Rappelons aussi que le GSM au volant, lorsque vous envoyez un SMS au volant, ça multiplie par 23 le risque d'accident. Alors certes, le parquet peut estimer que lorsque vous traversez par exemple un carrefour, vous avez le feu vert, c'est pas dangereux, mais à ce moment-là, peut à tout moment surgir un piéton qui traverse au rouge ou une autre voiture. Et donc, c'est pas logique de choisir les moments où on verbalise, les moments où on ne verbalise pas. À la limite, nous, on proposerait finalement de faire la même chose avec l'alcool au volant. Le type est bourré, oui, mais il roule en ligne droite, il a mis personne en danger, laissons-le conduire. Le type ne mettait pas sa ceinture, oui, mais c'était dans une zone 30, c'était pas dangereux, laissons-le conduire. Allez, où sont les limites alors ? Dernière chose très rapidement, 30 secondes devant nous, Benoît Godard, on aurait pu commencer par là, mais pour que ce soit clair dans les esprits, si le policier me verbalise, je vais encore recevoir une amende ou même l'amende, je la reçois plus ? À Liège. Si le parquet accepte d'envoyer le PV, oui, vous allez la recevoir. Donc, il ne faut pas croire non plus que tout le monde va rester impuni. Donc, il y a quand même un risque de se faire verbaliser qui existe. Maintenant, le message du parquet est clair. Nous ne verbaliserons plus que les cas les plus graves. Et donc, par exemple, quelqu'un qui est arrêté au feu rouge à Liège et qui... risque quelque chose encore. Benoît Godard, IBSR. On va vers les enseignements. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparez, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overhays, chaussée de Bruxelles 341. Ce sont les jours extraordinaires en septembre. Découvrez la nouvelle Alpha Giulia, la nouvelle famille Fiat Tipo, les nouveautés Abarth et la nouvelle Spider. Conditions spéciales au Garage Merckx à Overhays. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Futuro et l'avenir.net. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange. À Liège, on pourrait donc rouler son GSM à la main sans risque de poursuite. Sur la page Facebook, Marion Jomotte. Vous êtes 41 115 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Ce commentaire de Magali, faire des lois et puis ne pas les appliquer, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a un réel risque d'accident. Ce n'est pas 110 euros qui va éviter de faire des morts, mais bien une prise de conscience de chacun d'entre nous. Marc lui commente avec une pointe d'humour. Il note qu'il peut aller chasser les Pokémon à Liège en faisant semblant de téléphoner. À 9h, vous avez souhaité une conversation sur l'appel de l'avocat Bernard Westphal qui a supplié le jury d'assises d'oublier tout ce qu'il avait pu entendre à propos de l'affaire. Est-ce que vous pensez que le jury est neutre ? Réponse, non. Tous ceux qui ont vu et écouté l'enregistrement audio entre Véronique Pureton et son amant se sont d'ailleurs fait un avis et ont livré leur position ce matin. Ensuite, la certitude que les jurés peuvent quand même changer d'avis en cours d'audience grâce aux analyses et aux rapports. Et puis à propos de la colère de Mayence ou de son appel au jury, vous avez été nombreux à estimer que les mots de Jean-Philippe Mayence n'auraient aucun impact sur les jurés. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au Standard, Zoé. C'était Nicole Damsureur. Elle n'a pas entendu l'enregistrement audio, mais pour elle, un jury n'est jamais neutre. Les médias les influencent, c'est certain, mais leur passé, leur présent, leurs sentiments et leurs émotions sont aussi des facteurs à prendre en compte. Ce qui choque Nicole, c'est qu'on a toujours considéré Westphal comme coupable. Même s'il est acquitté, son étiquette lui collera sur la peau à vie. À 9h, il y avait trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur le jury qui a trop regardé TVI la veille. Parmi les moments de ce matin, il y a eu Didier Dereux à 10h15. Outre la neutralité des jurés, il se pose une question sur l'enregistrement de Véronique Pirotton. Non, je pense que ça va les influencer, mais pas forcément dans le sens recherché. Maître Mayence a posé les bonnes questions concernant cet enregistrement. Et à partir de ce moment-là, il y aura un doute qui va être créé et le doute fait qu'on devient plus neutre. Ça va quand même jouer en faveur ou en défaveur de monsieur. Hein. Moi, je pense qu'on n'aurait pas dû passer ça à la télévision parce que j'ai regardé aussi et honnêtement, j'ai des doutes. Hein. Ça m'a orienté, oui, tout à fait. Je pense que monsieur n'est pas tout à fait condamnable pour tout. Je suis outré aussi. Je suis parfaitement d'accord avec Maître Mayence. Ça n'aurait jamais dû être diffusé. D'ailleurs, j'ai envie de dire que je ne comprends pas très bien le journalisme qui est à la base, normalement, prioritairement, censé informer et non investiguer. Quand on fait partie d'un jury d'assises, il faut être complètement hermétique. De toute façon, c'est interdit. Lorsqu'on est juré d'assises, normalement, on ne peut pas, on doit éviter toute forme d'influence. Si un des membres des jurys ont entendu cet enregistrement, forcément, ça va déjà les influencer. Il y a un a priori de départ, et cet a priori, avant d'être éliminé, d'accord, ça va durer 3 semaines, mais en 3 semaines, ils sont en vase clos. Et il part toujours avec cette idée de départ. Mon a priori, c'est que malheureusement, il va prendre un maximum. Je dis que la diffusion de cet extrait ne doit pas tout d'abord avoir lieu. On essaie de descendre. Mais il faut voir aussi les alinéas de cette dame. Elle n'est pas toute clean non plus. Et dans ce dossier, les audiences commencent donc lundi matin officiellement. Hier, c'était la constitution du jury. Voilà pour nos 2 heures de dialogue. Laissez vos commentaires sur la page Facebook. À lundi tout le monde.